En mai, Arte fait son festival de Cannes. Le cinéma s'invite chez vous avec une programmation exceptionnelle. Rendez-vous ce soir à 20h55 sur Arte avec The Immigrant de James Gray, avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix. Suivi de Do the Right Thing de Spike Lee. Et savourez encore plus de cinéma sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà. Bonjour, chers écouteurs. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Versailles ou le pouvoir en image. Allons, il est temps maintenant que l'on prenne toutes les dispositions pour que Versailles devienne la demeure du roi de France. On nous dit qu'à l'issue de l'élection reine, un monarque républicain va nous gouverner. Eh bien, puisque nous vivons encore sous le signe de l'Ancien Régime, c'est le moment ou jamais de retourner à Versailles, qui incarne si bien la continuité des deux Frances. Le roi l'a bâti, le peuple l'a conquis, la nation l'a sauvé, disait Malraux. Et le général de Gaulle considérait l'endroit comme une marque première de l'exception française. Quant à François Mitterrand, il l'utilisa pour éblouir les autres chefs d'État avant de finir par accepter de se laisser nommer, tout simplement, Dieu. En même temps, la République ne se sert du château comme lieu de pouvoir qu'à des moments d'exception. Les réunions du Parlement en congrès pour les modifications de la Constitution. C'est qu'il y a maintenant une Constitution. On ne peut plus adhérer à ce manifeste de l'absolutisme qu'est Versailles. Et pourtant, on ne peut cesser non plus de le relire. Alors tendons l'oreille, reposons les yeux sur l'architecture de Versailles qui parle encore à une part de nous-mêmes. Et ce, avec Alexandre Gady. Bonjour. Bonjour. Alexandre Gady a publié beaucoup de livres sur les hôtels particuliers de Paris, des monographies sur les grands architectes, dont Mansart, homme de Versailles. Il fallait que vous en veniez au chef-d'œuvre, à la fabrique du chef-d'œuvre Versailles, un livre aux éditions Le Passage. Je vous ai piqué l'exergue de Malraux et j'ai parlé de De Gaulle. Elle est tout à fait dans le domaine public, mais il y a une jolie anecdote, j'espère qu'elle est vraie. De Gaulle vient à Versailles, il est reçu par le conservateur qui était à l'époque Gérald Van der Kempf, et Van der Kempf l'accueille en lui disant « Mon général, je suis très heureux de vous recevoir à Versailles ». Et le général se raidit et lui dit « Mais enfin tout de même, monsieur le conservateur, il me semble que c'est exactement le contraire ». Voyez, la monarchie républicaine. La première campagne de travaux à Versailles date, on le sait, de Louis XIII. Vous finissez votre livre évidemment par « Si Versailles mettait qu'en tête, Sacha Guitry ». Fantastique chef-d'œuvre. Oui, alors nous allons commencer, si vous le voulez bien, par lui. Nous nous étions égarés, mon père et moi, au cours d'une partie de chasse. Et je conserve un souvenir si vif de cet endroit sauvage. Ainsi donc, monsieur Philibert Leroy, je désire précisément que ce soit là et pas ailleurs que vous me construisiez ce petit pavillon de chasse dont je rêve. Et la raison pour laquelle, sire, vous choisissez un endroit si sauvage, me la donnerez-vous? C'est qu'on n'y reconnaît pas les rois. Et j'aimerais que Versailles fût un endroit secret, mystérieux, intime. Voici Sa Majesté. Oh, ravissante. D'un goût parfait, très bien. Monsieur Philibert Leroy l'avait commencé, j'ai pu le mener jusqu'à son achèvement. Et si Sa Majesté en était satisfaite, je serais le plus heureux des hommes. J'en suis fort satisfait, précisément, monsieur, et je vous en remercie. Eh bien, qu'en pensez-vous, monsieur mon fils? Pour ma modeste part, j'en suis mal satisfait. Oh! Vous en êtes mal satisfait. Et pour quelle raison? Je le voudrais plus grand. Plus grand? Ah, allons donc. Mais pour avoir une opinion qui s'oppose à la mienne, qui donc êtes-vous? Je suis Louis XIV. Non, monsieur, pas encore. Et puisque vous trouvez ce château trop petit, eh bien, mais vous l'agrandirez plus tard. Alors le père Louis XIII voulait un ermitage si sauvage qu'on n'y reconnu pas le roi. À partir d'un certain âge, Alexandre Gady, au XVIIe siècle, qu'on soit bon bourgeois, noble ou roi, on était pris par un désir de retraite. Oui, qui s'appuie chez Louis XIII d'une profonde inspiration spirituelle, puisqu'on a un témoignage assez bouleversant de son confesseur qui dit qu'au fond, le rêve du roi aurait été de se retirer carrément à Versailles comme un peu Philippe II à l'Escorial, d'abdiquer en faveur de son fils quand il serait, dit-il, en âge de monter à cheval. Et donc, il y a cette agoraphobie, cette neurasthénie qu'on retrouvera chez Louis XV, déjà chez Louis XIII présente à Versailles. Au fond, il veut même pas que la reine et les femmes y viennent. Il dit « toutes ces femmes me gâteraient mon Versailles ». Donc, il y a une volonté vraiment de retraite. Alors, ce qui est intéressant dans le passage que vous avez utilisé de Guitry, c'est qu'évidemment, à l'époque, on confond encore les deux premiers châteaux de Versailles. Hein, Louis XIII a d'abord fait un tout petit pavillon de chasse de rien du tout, dont on ignore l'architecte, 1623. Et ensuite, effectivement, ce fameux Philibert le Roi, qui est un personnage pas encore très bien connu, va construire le château en briques et pierres, dont la carcasse, malgré toutes les restaurations, demeure au cœur de l'actuel château. Dans la campagne de Louis XIII de construction de Versailles, il y a donc deux campagnes. Combien de campagnes y a-t-il dans les campagnes de Louis XIV qu'on va maintenant énumérer, si vous le voulez bien, la première de Louis XIV. C'est le début des années 1660 avec deux collaborateurs, l'architecte Louis Levaux, les plus hauts temps de Le Roi, et le maître des jardins André Le Nôtre, dont l'historiographie traditionnelle, vous n'allez pas la contredire, dit qu'ils ont été piqués, là encore, mais dans l'écurie de Fouquet. Alors là, si je la contredis complètement, comme tous les historiens aujourd'hui de cette partie, évidemment, il y a un romantisme, une mythologie fantastique autour de Fouquet, et c'est vrai que le personnage s'y prête assez, mais en fait, comme Charles Lebrun, André Le Nôtre et Louis Levaux sont déjà au service du roi depuis, pour certains, de nombreuses années, et donc il n'y a pas de découverte. Hein. Louis Levaux s'occupe du Louvre depuis que le roi est revenu à Paris après la Fronde. Le Nôtre travaille aux Tuileries, jardin de son père et de son grand-père, depuis les années 40, et Lebrun est devenu assez proche du roi dans les années 50. Donc la mythologie de Vaux-le-Vicomte, c'est très séduisant, mais ça marche pas du tout. Voilà. Alors on est dans les années 1600, donc dans les années 1660, c'est un château en cours. Champêtre, où le roi vient se retirer aussi. Oui, d'une certaine manière. Au fond, d'une autre manière que Louis XIII. Absolument. La première campagne des années 60, elle est très fastueuse par rapport à Louis XIII, parce que Louis XIV aime se mettre en scène, hein, au sens propre d'ailleurs, puisqu'il est acteur, musicien, il danse devant la cour. Ça nous paraît incroyable, on aurait un petit peu de mal aujourd'hui à imaginer nos hommes politiques se produisant dans des spectacles, mais encore qu'on pourrait considérer la vie politique comme un spectacle permanent. Mais il est sûr que Louis XIV, dans les années 60, embellit fortement le château, sans pour autant totalement en faire encore cette grosse machine de gouvernement que va devenir le château dans les années 70-80 du XVIIe siècle. Si j'ai bien compris, l'historiographie a transformé beaucoup de nos notions. Alors, si vous le voulez bien, on va abandonner Sacha Guitry, à notre grand regret, et passer au film de Thierry Binisty. Binisty a consacré une trilogie aux trois derniers rois Bourbon, que vous avez vu, bien sûr. Hélas. Non, mais lui, il a lu, en général, les meilleurs historiens. Alors, parlons de la campagne qui va commencer à la fin des années 1660. Je compte sur mes doigts, c'est la deuxième campagne de Louis XIII. Deuxième campagne, ouais. Hein alors, cette campagne, elle est le fait de Levaux toujours. En fin de vie, il va mourir en 1670. Rencontre assez souvent le roi, qui n'a pas toujours des rapports faciles avec lui, d'autant qu'il ne répond pas toujours nécessairement à la commande. C'est là un bâtiment entièrement nouveau, monsieur Levaux. Assurément, majesté. J'apprécie votre talent, monsieur Levaux, mais il va falloir revoir vos plans. Vous devez construire, mais en agrandissant le bâtiment d'origine. Il me plaît de vivre avec la mémoire de mon père. Faites en sorte que vos plans préservent son château. Un château, sire? Il n'y a là qu'un petit château de cartes que votre père avait fait construire pour ne point dormir sur la paille lorsqu'il venait chasser. Faites ce qu'il vous plaira. Mais si vous l'abattez, je le ferai rebâtir, tel qu'il est. Avez-vous un autre souhait, sire? Un souhait? Nous souhaitons que désormais notre art soit plus français. Alors c'est exact, il a bien lu. Il a de la chance, la chance de la télé ou du cinéma, mais les historiens dont le territoire est borné selon la célèbre formule aimeraient entendre ces conversations entre les architectes et les rois. Ah, bon, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais tout de même, le roi a bien voulu garder le château et l'envelopper. Il était fidèle à son père Louis XIII, mais en l'entourant. Voilà, alors là, je laisse la psychanalyse qui a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ce que je voudrais ajouter comme historien, c'est quand même que la version qui est transcrite ici n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste non plus. Nous savons qu'il y a eu un aller-venu, en fait. Louis XIV a d'abord décidé de conserver le château et de l'envelopper. Chose assez classique, et ça c'est peut-être important de le noter, hein. Louis XIV est un homme qui, contrairement à l'image qu'on pourrait en avoir, ne sait pas toujours bien ce qu'il veut. Il y a beaucoup d'aller-retour dans les chantiers, de ratage, hein, si on peut employer un mot un peu fort. Et donc, au bout d'un an, on arrête tout, et on dit, au fond, supprimons ce château qui est un peu ridicule, et faisons un projet totalement neuf. Le Vau se remet au travail, et nous avons son plan qui est conservé dans les archives à Stockholm. Et puis, au bout de 3 mois de réflexion nouvelle, on dit non, finalement, on reprend le chantier en conservant le château. Donc, vous voyez. On est en 1770, là, à peu près. On est en 69, hein. Mmh. Et il y a un aller venu assez frappant. Une indécision, au fond, qui montre que Louis XIV sait pas toujours très bien ce qu'il veut. Et c'est pas facile de garder le château ancien, parce que qu'est-ce qu'on fait pour les toits, par exemple? Exactement. Les problèmes des niveaux de plancher, est-ce qu'on va s'aligner d'un côté et de l'autre? Les matériaux changent. On est en pierre sur le jardin, on est en briquet pierre sur la cour. On décide qu'il y aura plus de toiture côté jardin. Elle est cachée parce qu'on fait 2 étages alors que sur la cour, il y en a qu'un. Bref, on fabrique ce que Colbert craignait, un monstre en bâtiment, selon ses mots. Alors Colbert, il n'aimait pas beaucoup ces facéties versaillaises. Il voulait que la cour et surtout le gouvernement restent à Paris. Il était quand même pas trop mécontent de cette deuxième campagne parce qu'on avait fait le choix de l'élévation. Alors plus c'est élevé, moins il y a d'ailes possibles. Voilà, il est contre les ailes, il a très peur, et ça finira par arriver, hein, qu'il y ait des ailes. Et il dit cette chose qui est un peu absurde et qui lui donne un côté un peu conseiller technique. Il dit « tout ce qui est grand est toujours beau ». C'est un petit peu juste comme raisonnement. Mais Colbert n'est pas un très très grand patron de l'architecture française, clairement, à la différence de Mazarin, par exemple, ou de Louvois. Mais l'attentif contrôleur des finances. Alors il a la perruque qui se dresse sur la tête quand... commence le dernier temps, on ose dire campagne tellement c'est un temps long, à partir de la fin des années 1670. Il en mourra d'ailleurs presque, Colbert, en 1683. Alors l'idée là, ça va être de faire des ailes, parce qu'il faut aménager un espace pour le gouvernement. Voilà, le pas est franchi en fait à la fin des années 70, sans cette enveloppe qui a coûté des sommes considérables en architecture et en décor intérieur est achevée. Le roi a pris un tel goût à Versailles que finalement la décision qui va aboutir en 82 à la fameuse installation de la cour, mais elle s'est pas faite comme ça d'un claquement de doigts. Il a fallu donc préparer un chantier nouveau, 4 années, et qui sont confiés à la responsabilité d'un nouvel architecte qui est Jules Ardoin Mansart. 680 pages sur Mansart dans un livre que vous avez publié, Alexandre Gady, qui restitue toutes les conversations qui étaient quotidiennes de Mansart avec le roi. Alors, on sait que Mansart est un habile courtisan et qu'il a réussi vraiment à avoir cette familiarité qui rendait enragé Saint-Simon, qui a fait de lui un portrait terrible, parce que vous savez, les grands nobles voyaient très peu le roi, et il y a une familiarité, presque une complicité entre les deux hommes. Ils se sont trouvés. Et là, saisi, en un seul instant de cinéma, dans le film de Binisti, au moment où on conçoit le projet de la grande galerie qui va se superposer aux terrasses anciennes qui prenaient un peu l'eau. Sire, voici le château en son état. Je retire la terrasse et voici ce que sera la demeure de votre majesté. Mon projet de miroir est à la mesure de la grandeur de sa majesté. En réfléchissant la lumière du soleil dans la galerie, ils ne laisseront plus aucune place à l'ombre. De surcroît, par le dispositif des miroirs, de quelque endroit que se tiendra sa majesté, elle aura toujours vu sur les jardins. Monsieur Mansart, nous apprécions grandement votre art. Votre grande galerie va stupéfier le monde. Sire, elle a l'ambition d'être unique. Nous pouvons en un quart d'heure faire 20 ducs et pairs, mais nous ne pourrions faire un Mansart. Sire, merci. Bon, on parlera des miroirs dans un instant. J'ai bien noté que la nouvelle historiographie ne parlait plus de galerie des glaces, hein, mais de grande galerie. La grande galerie, oui. Ouais. Mais je voudrais que vous nous parliez du plafond, plutôt, d'abord. Oui, c'est là encore une histoire intéressante d'aller et venue. D'abord, on va reprendre le thème d'Hercule. Hein, Hercule, parce que la galerie d'Hercule était restée en projet au Louvre, la grande galerie de Poussin, qui ne sera jamais réalisée complètement. On va penser à Apollon, bien sûr, l'image du roi même, mais il y a concurrence avec Monsieur, qui a une galerie tout à fait superbe à Saint-Cloud. Le frère du roi. Le frère du roi. Et finalement, on va se décider à passer de la mythologie à l'histoire. C'est-à-dire que Louis XIV se met lui-même en scène. On le reconnaît dans les grands tableaux, au milieu, quelquefois d'ailleurs, d'allégories qui sont quand même maintenues. Et on déroule une espèce d'immense geste royal au plafond. Le roi est donc tel qu'en lui-même, au premier plan. Et alors, ce qui importe, c'est que le roi puisse voir ses jardins partout. Et dans ses jardins, tout va s'organiser autour de lui. La nouvelle historiographie emploie à propos de Lenôtre, drôle de terme, l'urbanisme des jardins de Lenôtre. Oui, il y a une trentaine d'années maintenant, un historien qui était aussi un architecte conservateur des jardins de Versailles a utilisé, en fait, à propos de Lenôtre, une vision un peu d'aménagement du territoire qui a un peu permis de sortir des éternelles petites fleurs des parterres et des perspectives à l'infini pour réfléchir justement sur la manière dont Lenôtre a inscrit le territoire au pied du château et a transformé Versailles en un point nodal où toutes les énergies monarchiques pouvaient se concentrer, traverser, ressortir. Donc le territoire est mis au pied du château, et il est mis en ordre pour obéir au château. Et c'est le mouvement du roi qui insuffle vie à la nature, qu'il a domestiquée, pardon, urbanisée. Absolument, de même que son pas rythme la musique par cette cadence, sa manière de montrer les jardins, qu'il a lui-même rédigé pour comme une sorte de premier guide de Versailles par celui qu'il a créé, le grand artiste, au fond, le seul artiste de Versailles, c'est Louis XIV, bien sûr, montre à quel point il tenait beaucoup à ses différents points de vue. Au fond, c'est un architecte, mais c'est aussi un homme, d'abord, comme les grands architectes, qui aime l'espace. C'est un organisateur de l'espace, Louis XIV. Alors, pour visiter les jardins, je propose qu'on adopte le point de vue du roi, lequel dicte au marquis de Croix, le périple tel qu'il faut l'entreprendre. On ira droit au point de vue du bas de la Donne, et en passant, on regardera la petite fontaine du Satyr qui est dans un des bosquets. Quand on sera au point de vue, on fera une pause pour considérer les rampes, les vases, les statues, les lézards. On descendra par la girandole qu'on verra en passant pour aller à Saturne. On en fera le demi-tour et l'on ira à l'île royale. On passera sur la chaussée où il y a des jets d'eau des deux côtés. Et l'on fera le tour de la grande pièce. Quand on sera au bas, on fera une pause pour considérer les gerbes, les coquilles, les bassins, les statues, les portiques. Et l'on entrera à la galerie par en bas. Et c'est dans les jardins que se déployaient les fêtes, par exemple les plaisirs charmants de Lully. De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Alexandre Gady, dont le dernier livre s'intitule « Versailles, la fabrique d'un chef-d'œuvre » aux éditions Le Passage. Pendant la Régence, on passe maintenant à l'après 1715, réinstallation à Paris. Mais le jeune Louis XV fait le choix de revenir. Il y a une très belle scène dans votre livre, qui ferait bien d'ailleurs une scène de cinéma ou de télévision, Alexandre Gady. Oui, c'est le retour en juin 1722, sans doute encouragé par le régent, et le petit prince fait le tour avec la cour, et puis tout d'un coup, il s'échappe du groupe, il veut tout voir comme un touriste moderne, et il va s'allonger, se coucher dans la galerie des glaces sur le sol pour voir le plafond de son arrière-grand-père. C'est une scène que je trouve fascinante. D'abord, on rêve de le faire soi-même, c'est assez difficile, on risquerait sa vie dans la visite courante du château, mais aussi parce que on donne, je crois, par cette scène à comprendre que Louis XV va être au fond, tout son règne sera écrasé, et dans ce décor qui a été fait pour un autre acteur d'une autre stature, écrasé par celui de son prédécesseur. Est-ce qu'il arrivait à lire la mythologie du plafond de la Grande Galerie, ou est-ce que ça devenait déjà difficile à comprendre pour lui? Je pense que ils avaient une familiarité que nous n'avons plus, qui induit une forme de connaissance, qui est peut-être moins savante que celle qui nous est restituée aujourd'hui par les spécialistes de ce type de décor. Mais cette familiarité, je pense, coulait aussi dans son sang et ça jouait vraisemblablement sur son caractère. Lui aussi a été très, comme Louis XIII, très neurasthénique, très, très agoraphobe. Il va passer son temps à vouloir se retirer au fond de cette scène de théâtre. Oui, parce que l'exaltation de l'absolutisme, très bien, mais enfin, le souci du confort, pas mal aussi. On revient au film de Binisty, vous savez que second film de la trilogie de Binisty. Je le cite encore, Louis XV, Le Soleil Noir, commence bien par la scène que vous décrivez. Et aussitôt après, nous sommes maintenant dans la chambre du roi. La chambre du roi, telle qu'elle a été aménagée par Louis XIV. En 1701, au centre du château. Où il est mort, Louis XIV, en 1715. Absolument. Je meurs de froid toutes les nuits dans mon lit. Mes os sont glacés. Faites en sorte de nous réchauffer au plus vite en construisant une deuxième cheminée, monsieur l'architecte. Sire, cette chambre est l'œuvre de votre arrière-grand-père. De la transformer à la défigurer, il n'y a que la distance qui sépare la parole d'un crime que je n'oserais commettre. Je la supporte plus! Elle est trop vaste, trop... Il m'insupporte de dormir dans cette chambre ouverte à tous les courants d'air et je ne supporte plus non plus les obligations d'étiquette qui y sont attachées. Veillez à ce que l'on m'installe dès ce soir un lit dans une pièce disposant d'un poêle. Quant à vous, monsieur Gabriel, il nous plairait que vous accélériez les travaux d'aménagement de nos petits appartements. Ah, les petits appartements. Si on avait écouté la suite de Sacha Guitry, on l'entendrait expliquer qu'il avait coupé les pièces en quatre. C'est pas exactement ça. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là aussi, je trouve le dialogue, pour le coup, assez faux. Et on voit pas Décidément. Le roi se plaindre comme un malheureux que de ses problèmes de chaleur. Il est évident... Bah, vous avez dit qu'il était neurasthénique. Oui, oui, neurasthénique, c'est une chose, mais se plaindre à son architecte, qu'on n'appelle jamais d'ailleurs monsieur l'architecte, de ses problèmes d'immobilier, ça paraît un tout petit peu trop fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, comme tout le règne le montre pour l'architecture domestique privée, château, hôtel particulier, il y a un nouveau regard sur le confort, un nouveau regard sur les appartements, et le roi va faire aménager une seconde chambre, qui est aujourd'hui la chambre privée de son lit depuis la Révolution, mais qu'on visite dans les petits appartements et l'appartement des collections. Et c'est là que Louis XV est mort, lui, en 1774. Et le goût change. Louis XV va organiser au moins 3 ventes du mobilier de Louis XIV en 1741, en 1751, en 1752. Ah, 1752. Date fatale. Parlons maintenant des destructions dont est responsable Louis XV à Versailles. Et oui, parce que pendant toute la première partie du règne, au fond, il a ménagé le décor de l'arrière-grand-père, fait quelques transformations à la marge, et puis plus le règne avance, plus les architectes poussent le roi à intervenir. Beaucoup de critiques sont faites contre le château. On imagine mal aujourd'hui, qu'on considère que c'est un des plus beaux monuments du monde, mais la critique, les académiciens, la théorie de l'architecture trouvent que ce château ne fonctionne pas très bien, et notamment les accès, la cour, tout ça manque de grandeur. Donc Louis XV va être aussi responsable d'une partie de la disparition du décor que nous aimerions tant connaître, notamment, bien sûr, en 1752, le grand escalier de marbre, qu'on appelait l'escalier des ambassadeurs. Alors cet escalier, il est connu. Vous reproduisez dans votre livre beaucoup d'illustrations. Il a été imité, car mythique. Oui, c'est une sorte, dans l'histoire de l'architecture française, de rêve. Il est revenu au XIXe siècle, au grand temps de l'éclectisme, au Palais Rose, hélas détruit lui aussi en 1969. Mais on le retrouve à Herrenchiemsee. Louis II de Bavière a bien fait attention à le faire reproduire par son architecte. Deux fois, une fois achevé, une fois inachevé. Et il existe encore à Bruxelles, au Palais d'Arenberg. Je suis étonné parce que vous êtes un militant de Versailles, on en parlera à la fin de l'émission. Ne parlez pas des modifications que Louis XV voulait apporter à la chapelle? Alors, il a cette chapelle qui n'était jamais que la cinquième chapelle. Oui, du château, c'est une voilà, chapelle baladeuse. La chapelle baladeuse, mais il a supprimé le lanternon en 1765, un lanternon qui donnait toute l'élévation vers Dieu à la chapelle, qui manque, mais c'est l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend parler de reconstitution de ce lanternon, et je trouve que là, on va un tout petit peu loin. Petit Trianon et Grand Dessin, c'est aussi quelqu'un qui a construit à Versailles Louis XV. Alors l'opéra peut être considéré comme l'achèvement d'un projet resté en plan au sens premier du terme de Louis XIV, puisque l'aile nord au bout devait abriter déjà la grande salle de la Comédie. En revanche, Petit Trianon, ça c'est une nouveauté et un chef-d'œuvre absolument indépassable, qu'il ajoute après avoir pris le plaisir successivement d'aller dans ses jardins, se retirer loin du grand château. Alors Grand Dessin, c'est un projet avorté que portait à la fin de sa vie Gabriel, parlons plutôt de l'opéra. Alors c'est l'opéra qui va servir de cadre au fait du mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette. Nous sommes maintenant, vous voyez comme on avance dans le temps, en 1770. Comme vous pouvez le voir, sire, l'avancée de votre loge au-dessus de la salle a été supprimée. Et c'est fort bien comme cela. Il n'est pas bon qu'un souverain semble vouloir dominer ses sujets, même du balcon de sa loge. Par le moyen des 60 criques se trouvant sous ce plancher, sire, celui-ci sera remonté à même hauteur que la sienne. La salle pourra accueillir ainsi vos 3000 invités. Votre table de 22 couverts, sire, à laquelle prendra place la famille royale, sera sur la scène. Elle sera démontée dès la fin du souper pour laisser place à l'orchestre. Tebaldi dans Paris, c'est Hélène de Gluck, le compositeur cher à Marie-Antoinette, qui fera, elle, ses adieux à Versailles moins de 20 ans après son mariage. On ne va pas parler du hameau de la reine, bien connu. Vous rendez justice à Louis XVI pour avoir fait aménager dans ses appartements une bibliothèque, Alexandre Gadi. Une des plus belles pièces du château. Et puis pour avoir lancé un appel à projet en 1783, vous présentez des planches tout à fait étonnantes. Simplement, on s'apercevait à l'époque que la pierre coûtait plus cher que l'encre et le papier. Mais ce sont les grands projets de 1783. C'est l'apogée du règne. L'affaire américaine s'est conclue au triomphe diplomatique de la France. Le roi, nous connaissons la fin du film, donc nous savons que c'est un règne malheureux, mais le roi était longtemps considéré comme un roi heureux, au contraire. Et il a rêvé de refaire en grande partie tout le château de Versailles. Les planches ont été acquises récemment du commerce privé par le château, et je les présente au mieux dans ce livre parce que ce sont des projets absolument inconnus du public et tout à fait spectaculaires à mon goût. Notamment celui de Boulay. On pourra s'y reporter. Ce château, la fin du film, c'est pas demain. Ce château mouvant ne se stabilise jamais dans un état idéal. Donc la conservation, venons-en au problème d'aujourd'hui, ne peut être considérée comme une restitution. C'est toujours un champ de bataille où s'opposent différentes tendances. Vous parliez du lanternon de la chapelle, d'accord. Mais est-ce qu'on peut prendre un exemple, lequel vous viendra à l'esprit ? Oui, parce qu'on a beaucoup bataillé. Vous parliez de champ de bataille, c'est un terme effectivement militaire, pour rappeler que les historiens de Versailles sont très embarrassés par l'actuelle tournure qu'a prise la marche du château. Le château est en train d'être transformé en une grande machine destinée bien évidemment à son premier roi aujourd'hui, qui est le touriste. Un roi très exigeant lui aussi, oui. Et il est clair que par alors exemple... Alors pour bien gérer le flux des touristes, hein, l'exemple... C'est la grille, évidemment. La grille. Cette fameuse grille dorée en plein qu'on a restituée de toutes pièces d'après trois petits dessins de quelques centimètres en 2008. C'est pour nous, je dis nous historiens qui sommes attentifs à ce que le public ne soit pas trompé, hein, un obstacle à la lecture du château, à sa lecture historique, aussi d'une certaine manière par l'échec esthétique de cette grille à sa lecture tout simplement de l'architecture extérieure, du plaisir qu'on peut avoir, puisque aujourd'hui le touriste découvre à Versailles en arrivant des artefacts fabriqués à la fin du XXe siècle, avant même d'arriver dans le château lui-même. Je trouve un peu dur, parce que dans le livre que vous consacrez à Versailles, qui est co-édité par le château de Versailles et les éditions Le Passage, vous dites en effet que ça manque un peu de délicatesse. Enfin, à d'autres moments, vous avez été pire. Viol pur et simple des principes les plus élémentaires. Écriviez-vous dans le bulletin Momus. Oui, oui, absolument. Enfin, de quoi parle-t-on? De reconstituer des choses qui n'existent plus sous prétexte de restituer au château un état idéal que vous dénonciez à l'instant avec raison. Mais c'est quoi l'état idéal? C'est 1789, le 6 octobre au soir, quand la monarchie s'en va? C'est 1774 à la mort de Louis XV? Est-ce que c'est 1715 dans les jardins maintenant? La jauge a été changée et on a démoli, vous savez, tout récemment, des bosquets qui avaient été faits par Louis XVI. Est-ce que c'est très sérieux d'utiliser l'argent du contribuable à manipuler un édifice qui a besoin d'abord de restauration et beaucoup d'amour? J'avais envie d'ajouter pour finir, Alexandre Gadi, que Versailles devrait nous enseigner l'humilité. Merci à vous. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Ivar, Camille Poux, Jalaguier, réalisée avec Gilles Gaillard et Yann Bouillot, par Jacques Sigal.